Enfin, quand on dit chanté par Gilbert Bécaud, c'est plutôt le public de l'Olympia qui chante, n'est-ce pas? Allez, médaille d'or. Alors, c'est le groupe qui gravite autour de Robert Dame, un collectif à l'amitié et à l'amour qui gagne cette cerise sur le canto numéro 48. À l'amitié et à l'amour. Ces valeurs qui nous rassemblent, à notre santé, à nos beaux jours. Elle est si belle la vie, même quand elle tremble. Elle est si belle la vie, même quand elle tremble. Il y a des surprises, l'inattendu, des temps de crise, des temps perdus pour retrouver. On n'a jamais été si loin, éparpillés aux quatre coins, déboussolés. Mais quand on s'appelle, on tend nos bras, on tend nos cœurs, on se dit cent fois tous nos poèmes. Et peu importe les kilomètres, quand on se crie à nos fenêtres, qu'en vrai on s'aime à l'amitié. Des mots qui courent, des gestes qui sauvent et de l'amour plein dans nos poches. Je me dis quand même, c'est bien pratique. Un tour du monde en quelques clics, ça nous rapproche. Et parfois je pleure à contresens quand je réduis cette distance en un instant. Toutes ces valeurs qui nous rassemblent, la vie, même quand elle prend. Encore ça? Place à la sélection du jour. Une voix exceptionnelle, pleine d'émotions, et que le grand public a pu découvrir à la télévision dans les émissions de Pascal Sevran diffusées de 1984 à 2000, La Chance aux Chansons. Une voix que l'on n'a plus entendue depuis, et c'est bien dommage. Alors, si vous en savez plus, n'hésitez pas à nous le faire savoir en vous rendant sur la page Facebook de La Cerise sur le Canto, et puis dites-nous, finalement, Valérie Lambert, je sais où elle est, je sais ce qu'elle est devenue. Le torrent, Valérie Lambert. Comme un torrent qui vient tout droit de la montagne, descendu parmi la ville, gonflé d'amour et de bonheur à partager. Mais mon âme est moins tranquille depuis que j'ai tout quitté. De mes 20 ans et trouver encore la source d'où jaillissent les printemps. Descendu parmi la ville, gonflé d'amour et de bonheur à partager. Mais mon âme est moins tranquille depuis que j'ai tout quitté. Trouver la vie douce, vivre avec toi dans la clarté de mes 20 ans, et trouver encore la source d'où jaillissent les printemps. Tu connaîtras près du torrent mon cœur d'enfant, dans le silence des sapins blancs. Sur un texte signé Slimane, Matt Copora se livre à cœur ouvert et se confie d'une manière touchante sur ses envies de paternité. Si t'es pas là, Matt Copora. J'en ai passé des nuits à rêver de nous, te raconter la vie comme on était fou. J'en ai chanté des mots, mais jamais pour toi. Ça sonnait faux, et petit bout de moi. C'est comme un monde sans ciel, l'amour sans zèle, un homme sans passion, c'est le vide à la maison. C'est comme un début sans fin, jamais prendre la main, avoir tout donné sans jamais rien gagner. Si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là. Si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. que tout a changé. Petit dans mes bras, je veux pleurer d'amour et devenir fragile, trembler comme une feuille et vivre sur un fil. C'est comme un monde sans ciel, l'amour sans aile, un homme sans passion, c'est le vide à la maison. C'est comme un début sans fin, jamais prendre la main, avoir tout donné sans jamais rien gagner. Si t'es pas, pas, pas, si t'es pas, pas là, si t'es pas, pas, pas, si t'es pas là, si t'es pas, pas, pas, si t'es pas, pas là, si t'es pas, pas, pas, si t'es pas là. Si t'es pas, pas, pas, si t'es pas, pas là, si t'es pas, pas, pas, si t'es pas là, si t'es pas, pas, pas, si t'es pas, pas là, si t'es pas, pas, pas, si t'es pas là. Chanson d'une valeur historique de Jean Boyer et Georges Fontparis, sortie en 1939, au début de la Deuxième Guerre mondiale, quand tout allait encore bien. Et cette chanson traite de la mobilisation et de la séparation des couples. Enfin, il faut dire qu'on avait le moral. Il manquait pas un seul bouton de guêtre et on partait la fleur au fusil, on partait pour 15 jours. On reviendrait dans 15 jours. Les choses ne se sont pas passées tout à fait comme ça. La partition sera rééditée après septembre 1940 avec une première strophe adaptée aux conséquences du désastre, 2 millions de prisonniers et une séparation qui allait durer. Les paroles initiales de la première strophe sont celles que vous allez entendre et elles seront transformées un an après par après 3 mois d'impatience, lorsque je t'ai su prisonnier, dans la vie j'ai pris confiance et mon espoir s'est réveillé. Je sais que les jours sont moroses dans un stalag, mon pauvre amour, mais on est certain d'une chose, c'est de se retrouver un jour. Mon petit kaki, Germaine Lix, une chanson historique. Si je me suis montré brave sur le quai de la gare quand t'es parti, c'est que dans ces heures graves, il faut que la femme soit forte aussi. Pourtant j'avais bien de la peine, et quand le train a démarré, je n'avais plus de sang dans les veines, mais j'ai cramé pour ne pas pleurer. Mon petit kaki, mon grand chéri, ta petite femme sera bien sage. Elle pense à toi et c'est pourquoi elle t'en aime encore davantage. Elle tiendra le coup et jusqu'au bout, car pour avoir du courage, elle a ta photo sur son cœur jour et nuit. Mon chéri, mon petit kaki,

dans une chanson composée et écrite par Christophe Maé, Michael Désir et Paul École, Jennifer fait une déclaration d'amour à son public. Lorsqu'on est une personne pudique comme moi, on se sert des chansons pour exprimer ce que l'on n'ose pas dire en parlant. On a su trouver les mots et les notes pour vous déclarer ce que je ressens. Ce titre s'adresse à mon public. Si vous saviez comme c'est bon de pouvoir vous revoir, comme c'est bon, Jennifer. Après quelques années dans le froid, j'irai revoir la mer et regoûter au sel. Posé sur ta bouche là, crois-moi ou pas, je t'emmène revoir le ciel pour te chanter au soleil. Robert Lamoureux, humoriste, auteur dramatique, réalisateur, poète, parolier et scénariste. Il a reçu en 1950 un grand prix du disque de l'Académie Charles Cros pour la chanson « Papa, Maman, la bonne et moi ». Oh, cette chanson a été reprise dans le film de Jean-Paul Le Chanois, « Papa, Maman, la bonne et moi ». Oh, c'était en 1954. C'est la vie familiale finalement d'un professeur dans un immeuble de Montmartre, aperçu sur sa vie quotidienne des occupants modestes, suite de gags et intrigues sentimentales. Papa, maman, la bonne et moi, Robert Lamoureux. Je vais commencer par vous chanter une chanson. Une chanson que vous connaissez comme moi, je suppose. Mais vous, vous savez pas les paroles, moi je les sais. Quand j'ai le papier, ça s'appelle « Papa, maman, l'abonnez-moi ». Je suis de nationalité française, et bien qu'étant né à Paris, maman est de souche bordelaise, papa est natif du Berry. Et vraiment de s'appeler l'amoureux, pour un garçon c'est merveilleux. Papa, maman, l'abonnez-moi. Des gens comme nous, il y en a des tas. On achète à tempérament. Papa, moi, l'abonné, maman. L'été, on va au Sable d'Olonne. Papa, maman, moi et la bonne. Quand on revient, il nous reste 20 francs. Papa, là j'ai mis, il nous reste 20 francs, mais faut pas charrier quand même. Il nous reste pas tout à fait 20 francs.

Dans le camp de chasse, pas dans la grand-mère. Oh, oula. Oh, sa grand-mère n'aurait jamais voulu, hein. Oula. Même pour jouer, oula. Comme elle dit, il y a d'autres moyens de faire du bruit, hein. Sans souffler dans ses parents, ah non, ah non. Ah, puis alors, avec sa papa, quand il était sur le cheval, il s'en sortait plus, forcément, avec le matériel qu'il avait. Des fois, il soufflait dans le camp de chasse, des fois, il soufflait dans le fusil. Ça faisait pas plus de bruit dans l'un que dans l'autre, mais enfin, un moment, on s'est dit, va souffler dans le cheval, ça va arriver. Surtout que du côté qu'il était monté, on pouvait tout craindre, comprenez. Le cheval aurait été à lui, bon, mais souffler dans un cheval qui vous appartient pas. Alors, les gens jasent. Ils disent, oh, ils n'ont pas les moyens, tout ça. Puis même avec une paille, ça fait pas propre. Après avoir sympathisé à la suite d'une émission de radio, Balavoine composa un titre pour Johnny Hallyday. Ah, j'ai vraiment écrit cette chanson en pensant à Johnny, à ses frasques, à sa vie. J'adore cet artiste, c'est le plus grand. Johnny enregistra la chanson en 1980 comme une chanson simple sur son album « À partir de maintenant », c'est le titre de l'album. Pas vraiment le succès attendu par Balavoine. Alors Johnny lui demanda « Mais finalement, pourquoi tu ne chantes pas cette chanson ?» Alors Balavoine l'a chantée. Sa version rencontrait le succès et elle est devenue un inoubliable de son répertoire. Je ne suis pas un héros, Balavoine.